diga matin, bientôt, moi descend des bacadés. Tchéna, vous coupez, c'est, tu pé la pisse, là-haut, là-bas. Matin bientôt, mon descend des bacadés. J'ai n'a beaucoup pêché, tu fais la pêche là ou là-bas. Mon joint ton tolé, on lit tien, carangi d'un camouatan. J'ai les mots piti, à la casa, le fouillant carré. En arrivant la casa, j'ai dit à ta masala. En dit à ta masala, tu prétends en sol à mes pieds mal. La zone criée, bande la fière mal, oh, bande la fière mal, baisez-moi, dégagez, guette, madame Baya, oh, bande la fière mal, baisez-moi, bande la fière mal, dégagez, madame Baya, n'a pas tout pas là, oui, n'a pas tout pas là, pas tout pas là, pas la fière mal, n'a pas tout pas là, oui, n'a pas tout pas là, pas tout pas là, pas la fière mal. Matin bientôt, mon descend des bocadés. J'ai n'a beaucoup pêché, tu fais la piste là-haut là-bas. Mon joint ton tolé, on lit tien, carang li donne comme moi de sang. Les mots piti, à la casa, le fuyant carré. En arrivant la casa, on tient l'ita ta masala. En l'ita ta masala, tu prétends en sol à mes pieds mal. La zone criée, bande la fière mal. Samedi grand matin, bientôt, moi descend des bacadés. J'ai n'a beaucoup pêché, tu fais la piste là-haut là-bas. Mon joint ton tolé, on lit tien, carang li donne comme moi de sang. J'ai les mots piti, à la casa, le fouillant carré. En arrivant la casa, j'ai l'ita ta masala. En l'ita ta masala, tu prétends en sol à mes pieds mal. J'avais goût, ma petite quoi, gâteau à la zone manger. Et dans notre fini manger, la zone criée, bande la fière mal. Oh, bande la fière mal. Baisez-moi. Bande la fière mal. Dégagez, guette, madame Baya. Oh, bande la fière mal. Baisez-moi. Bande la fière mal. Dégagez, guette, madame Baya. N'a pas tout pas là. Oui. N'a pas tout pas là. Pas tout pas là. Pas la fière mal. N'a pas tout pas là. Oui. N'a pas tout pas là. Pas tout pas là. La fille est mal.